Bonjour aux amateurs de rock progressif. Vous êtes bienvenus à l'émission Rock de Neurones. Si vous êtes le lundi soir, eh bien, vous nous écoutez en direct. Si c'est les dimanches matins et les mardis après-midi, eh bien, c'est en rediffusion, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux belles heures de rock progressif, mais on va entendre une nouveauté de l'Italie. C'est un nouveau groupe du nom de Corpore Sano. Ça va être aussi suivi de Les Ormés, un groupe qui existe depuis les années 70 et qui vient de faire paraître son 21e album studio. On aura ensuite Steve Hackett avec un extrait de son nouvel album At the Edge of Light. On aura aussi une nouveauté d'Angleterre avec The Mute Gods. On a aussi une nouveauté de la Norvège avec le groupe Troïka. On va présenter ensuite Focus avec deux extraits de l'album Focus 11. Ensuite, on aura Rufus de la Norvège avec un album qui est originalement paru en 1973, c'est A Newborn Day. Et là, on a une version remasterisée qui a été sortie il y a quelques semaines seulement. Et en fin d'émission, bien, on aura un bloc hommage au chanteur de Talk Talk, Mark Hollis, qui est décédé le mois de février de cette année. Alors, pour débuter, bien, on a le bloc consacré à l'album de la semaine. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un nouveau groupe d'Italie, Corpore Sano. C'est un groupe de 5 jeunes musiciens qui nous offrent leur premier album. C'est un album homonyme, donc Corpore Sano, qui est constitué de 10 pièces. Ça totalise 72 minutes de belle musique. C'est beaucoup apparenté, là, quand on l'écoute pour la première fois, c'est beaucoup apparenté au rock progressif italien des années 70, tel qu'on les découvrait à l'époque. Alors moi, je vous propose 3 extraits de l'album. On va entendre la Zavora Inutile, I Venti del Inverno et la Spirito del Montagna. Alors, Corpore Sano. Sulle mie spalle insopportabile che mi schiaccia sempre più. Mi ripeto che accadrà, cosa mi succederà, o rimpiango il passato irrecuperabile, tutto è fermo intorno a me. Mi danno sicurezza, ma c'è ansia dentro me. Sto vivendo un sogno lucido, frammenti di realtà, dentro un orizzonte statico, un nucleo che mai si espanderà. We'll be right back. arrendo dentro me. C'è un oceano di energia, la mia forza vitale. Ritrovo la mia via, dal mio centro partirò. Del mio bosco taglierò rami secchi e inutili, ma benedicendo. Thank you. come sto. Da qualche tempo non lo so. Vivo i miei giorni come se non ci fosse più vita dentro me. Voglio rinascere, comprendere, accettare la realtà. Finalmente libero dai bisogni tutti che spengono la mia felicità. Amore mio, cancellami dal tuo presente. Essere felici, sai, è troppo importante. Nuovi incontri, nuove idee, disegnano un percorso chiaro. Amore mio, ti canto il mio augurio sincero. Soltanto tu distinguerai il falso dal vero. Dolce e caldo soffierà il vento. sole al mattino mi illumina e scalda, di notte la pioggia mi bagna. Nutro i miei figli Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, on va faire un petit retour à ce qui a joué avant la pause. C'était la nouvelle formation italienne Corpore Sano et trois extraits de l'album homonyme qui est paru il y a quelques semaines seulement. Alors, pour le deuxième bloc, on continue avec l'Italie et Léormé. Léormé qui vient de produire leur 21e album studio, Sulle ali di un sogno. Je rappelle qu'il y a 50 ans, Léormé sortait son premier album Ad Gloriam. Alors, on a 50 ans maintenant. Dans les musiciens qui font partie du groupe aujourd'hui, il y en a trois. Et il y en a un seul de la formation originale, c'est le batteur. Monsieur, une petite seconde. Oui, monsieur Mickey Del Rossi, Il y a Michel Bonne aussi, qui est le claviériste depuis déjà un bon bout de temps. Et ils ont un nouveau chanteur du nom de Alessio Trapella. Lui, il a été surtout connu pour sa participation avec la formation Out Neutrals. Alors, on va entendre, je rappelle que le nouvel album a 11 pièces, dont seulement deux qui sont des pièces nouvelles. Les autres sont extraites et refaites, en fait, des albums précédents. Et je vous propose deux extraits de cet album-là. Il y a Amico di Leri, qui originalement faisait partie de Smog Magica. Et on a Gioco di Bamba, ça c'était sur Homo di Pezza, ça c'est déjà presque 48 ans que c'est sorti. Alors ça sera suivi de Steve Hackett avec une nouveauté de son album At the Edge of Light. On va entendre la pièce Those Golden Wings et The Mute Gods aussi qui vient de faire paraître le nouveau Atheist and Believers et on va entendre The Twisted World Godless Universe. Alors on commence avec Léormé. Thank you.

rejected the notion of a scorecard card. When you were young, you saw it all. You had to fight so hard for all the things you loved. Never one of the crowd when it called. With no other. Thank you. ready for what you might find. Ce qu'on venait d'entendre, c'est la formation britannique de Mute Gods, la formation de Nick Beggs. Et on a entendu la pièce Twisted World, Godless Universe. Ça, c'est tiré de leur plus récent album Atheists and Believers. Et auparavant, on avait une nouveauté de Steve Hackett, la pièce Those Golden Wings, tirée de At the Edge of Light. Et en début de bloc, nous avions deux extraits du nouvel album de Léormé. L'album s'intitule Sule Ali Di Un Sogno. Et on a entendu Djoko Dimbimba et Amico Di Leri. Alors, après la pause, la formation norvégienne Troschka, Focus des Pays-Bas, et on retourne en Norvège avec Rufus. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au troisième bloc de l'émission Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et ce qu'on va entendre pour démarrer, ça sera Troschka. C'est un groupe norvégien qui vient de faire paraître son deuxième album. L'album s'intitule Tréhut et on va entendre quatre courts extraits. Orken, Greensland, Nattevakt et Mare Nostrum. Et on va enchaîner avec la formation néerlandaise Focus, que tout le monde connaît avec Hocus Pocus, qui a été très, très popularisé dans les années 70. Mais ils reviennent avec Focus 11 et je vous propose deux extraits. On aura Madzei et Mare Nostrum. Et on va conclure avec Rufus. Rufus, qui est un groupe norvégien qui a été très actif entre 1973 et 1979. Ils avaient fait paraître à l'époque 6 albums studio. Et cette année, cet hiver, en fait, ils ont réédité le premier album, Newborn Day, qui était paru originalement en 1973. Et je vous propose la pièce Day After Tomorrow. Alors, on débute ça avec Troïka. Thank you.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On va juste faire un petit retour avant la pause. On avait Rufus de Norvège et la pièce Day After Tomorrow. Ça, c'est extrait de l'album qui a été réédité. C'est paru en premier en 1973 et ça a été réédité cet hiver. Newborn Day. Et auparavant, on avait Focus, le groupe des Pays-Bas, et deux extraits de l'album Focus 11. Et en début de bloc, nous avions de la Norvège, Troschka, et trois extraits de l'album Trehut. Ceux qui sont intéressés à retracer toute cette information-là, bien, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et toute l'information concernant les artistes, les albums, les titres des pièces. Et encore beaucoup plus d'informations sur des palmarès, entre autres Rock de Neurones. Alors, je vous invite à visiter la page Facebook. Alors, pour consacrer, le dernier bloc de l'émission, bien, il sera consacré justement à groupe Tok Tok, qui a perdu son leader, le chanteur Mark Hollis, qui est décédé en février à l'âge de 64 ans. Et pour rendre hommage à Mark Hollis, bien, j'ai décidé de dédier ce dernier bloc. Tok Tok, qui a été, en fait, il y a plusieurs qui doutent de l'étiquette rock progressif de Tok Tok. En fait, le site internet Prog Archives les considérait comme crossover. En fait, c'est l'album The Color of Spring qui est paru en 1986 qui a un petit peu créer ce sentiment-là que c'était du rock progressif, parce qu'auparavant, on était plus dans la pop synthétique. Et le musicien, bien, Mark Hollis, a fait beaucoup de recherches instrumentales et il a travaillé plusieurs instruments pour produire en 1984 « It's My Life ». Donc, ça a été le début de leur aventure rock progressif. Ça a été suivi de Color of Spring et les deux derniers albums, là, Spirit of Eden et puis Laughing Stock, sont plutôt considérés comme des albums de post-rock. Alors moi, ce que je préfère, bien, c'est les deux albums, le premier 84, l'autre 86, It's My Life puis The Color of Spring. Et pour vous, bien, je vais extraire deux pièces de chaque album. La première pièce, bien, ça va être It's My Life de l'album, la pièce titre de l'album It's My Life. On aura I Don't Believe in You et Life's What You Make It, tiré de The Color of Spring. Et on va conclure avec Tomorrow Started, qui est de It's My Life aussi. Alors voici donc Tok Tok. Love with you. Don't look back until you've tried. Thank you. Alors, c'était Mark Hollis et le groupe Toc Toc. Alors, on lui dit « Repose en paix ». Il est décédé au mois de février de 2019 à l'âge de 64 ans. Alors, c'était pour souligner cette belle carrière qu'on vous a proposée. 4 pièces extraites de 2 albums de Toc Toc qui sont parus en 84 et 86. On a entendu la dernière pièce, c'est Tomorrow Started, tirée de It's My Life. Et auparavant, on avait Life is What You Make It, tirée de Color of Spring, au même titre que I Don't Believe in You. Et en début de bloc, bien, on avait la pièce titre de l'album It's My Life. Alors ça met fin à la programmation musicale de cette 220e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais rappeler que vous pouvez réécouter cette émission en rediffusion les dimanches matins de 10h à midi et les mardis de midi à 14h sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous pouvez aussi écouter en tout temps, durant la semaine, sur SoundCloud, l'émission courante. Alors, pour y accéder, bien, vous avez deux façons. La première, c'est que vous passez par la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et vous cliquez sur le lien qui apparaît. Ça va vous amener sur SoundCloud ou vous pouvez directement aller sur le web et ouvrir SoundCloud et dans la barre outils, la barre de recherche, c'est-à-dire vous tapez Rock de Neurones et vous allez accéder directement à l'émission. De plus, si vous désirez écouter des émissions archivées, bien, sur la page Facebook de Rock de Neurones, bien, vous aurez accès à un lien qui vous amènera à archive.org. Il y a plusieurs émissions, il y a au-dessus de 120, 130 émissions d'archivées. Aussi, sur la page Facebook de Rock de Neurones, vous avez des liens qui vous amènent à des palmarès, notamment les palmarès de rock progressif, les 100 meilleurs albums de tous les temps. Vous avez aussi le palmarès des rock, des groupes de rock progressif québécois et italiens, entre autres. Alors, j'espère que vous avez aimé l'émission. Et c'est Jimmy Farley qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de rock progressif.